La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la science est-elle une affaire de génie ? Bonjour à toutes et à tous, il y a deux façons assez opposées de raconter l'histoire des sciences. La première relève d'une approche sociologique. Il s'agit de faire rentrer la science dans son enveloppe charnelle, historique, dans l'ère de son temps, si l'on peut dire, d'analyser la matrice sociale dont elle est issue, au motif que seul l'embrasement de son environnement permet d'espérer découvrir les forces qui meuvent la science, les obstacles qui la freinent, les impulsions qui l'accélèrent. La seconde façon suit une piste plus individuelle, en racontant la lignée des idées qu'ont eues les grands découvreurs. La science serait construite grâce aux travaux d'une suite de génies, rayons de soleil inattendus, imprévisibles, miraculeux, qui auraient éclairé l'humanité grâce à leur intelligence supérieure, à la manière d'envoyer du ciel. Pour ce qui est de la seule physique, les noms qui sortent alors sont Galilée, Newton, Maxwell, Boltzmann, Planck, Einstein, Dirac, Schrödinger et quelques dizaines d'autres. L'idée est que l'avancement des sciences a été l'affaire exclusive de quelques cerveaux, sans qui rien ne serait arrivé. Laquelle de ces deux approches est la plus juste ? Le mieux ne serait-il pas de les combiner ? Et pour répondre à ces questions et à d'autres, j'ai invité Antonio Fischetti, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo et vous êtes docteur en physique, en acoustique je crois. Oui c'est ça. Et je crois même savoir que notre ingénieur du son, Valérie Lavalard, a été votre étudiante. Et oui, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité du son d'aujourd'hui ? Il est parfait. Alors, Charlie Hebdo, évidemment, tout le monde se souvient de l'attentat du 7 janvier 2015. Oui. Je ne sais pas si vous souhaitez en parler. Oui. Comment est-ce qu'on se remet d'un tel événement, quand on est une équipe de journalistes ? On vit tous les jours avec ça. On vit tous les jours avec ça. Disons, ça ne me dérange pas d'en parler parce que je pense qu'il est fondamental de garder cet événement en mémoire. Moi, personnellement, ce jour-là, j'aurais dû être à la réunion de rédaction, comme tous les mercredis depuis une vingtaine d'années que je travaille à Charlie Hebdo. Ce qui m'a, on peut dire, sauvé la vie, c'était que le fait que j'assistais à l'enterrement de ma tante ce matin-là. Donc, c'est même une ironie très liée, enfin, disons, à l'humour noir de Charlie Hebdo, sauvé par un enterrement, sinon j'étais à la réunion de rédaction. Donc, après l'attentat, bon, différents journalistes, différents dessinateurs ont eu des réactions très personnelles. Certains ont quitté la rédaction. Moi, ça a été l'effet inverse. Ça m'a donné une raison de plus de me battre pour faire vivre ce journal. Donc, chaque matin, quand je me lève et je cherche une idée d'article, eh bien, je pense à mes amis qui ont été tués. Et je me dis que c'est totalement nécessaire pour les faire vivre aussi en tant qu'être humain, en tant qu'ami et en tant que combattant de la liberté. Donc j'emploie un mot peut-être un peu grandiose, mais je pense que c'est exactement ça. Et effectivement, enfin c'est comme ça que moi je le vis. J'imagine que vous avez lu le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau. Oui, bien sûr. Dans lequel il y a des pages magnifiques sur le néant, le sentiment de néant. Philippe Lançon, bon, a été très grièvement blessé à la mâchoire lors de l'attentat, et donc il n'en est toujours pas remis puisqu'il a encore des opérations de chirurgie faciale très très très lourdes. Et ben, il fait partie de ceux qui ont décidé justement non seulement de continuer à écrire dans Charlie, mais d'en faire une œuvre littéraire, de l'exprimer, de traduire cette souffrance en littérature. Et c'est aussi une façon de combattre à sa manière. Et ce n'est pas du néant là, puisque justement c'est une transformation d'une douleur extrême en acte créateur aussi militant, on peut le dire, et en intensité vitale, on pourrait dire. Tout à fait. Quel est le rapport, disons, historique entre Charlie Hebdo et la science ? Comment est-ce qu'elle est perçue ? Est-ce qu'elle est objet de moquerie, comme c'est le style général de cette publication ? Non, alors... Ou est-ce qu'il y a une forme de déférence ? Alors, c'est-à-dire que moi, dans mon histoire personnelle, il y a un lien très fort entre Charlie Hebdo et la science grâce à Cavanna. François Cavanna, qui était le créateur de Charlie Hebdo. Moi, quand j'ai commencé à lire Cavanna, j'ai découvert, alors d'une part, ce que je peux appeler la ritalité, c'est-à-dire un fils de Rital, comme moi, hein, donc... Fischetti. Fischetti Antonio, je suis, mes parents étaient italiens, et donc Cavanna, dans son livre Les Rital, a vraiment traduit ça. Moi, j'y ai vu comme un père spirituel, un grand frère. Et dans ses premiers articles, dans ses livres aussi, comme il y a, par exemple, Et le singe de Vincon, où il fait une histoire, retrace une histoire hein, de l'humanité à sa façon. La science est très présente, Cavanna. Il se définit lui-même comme un enfant de la République. Il a été toujours très amoureux de la science. Et c'est la science, un instrument de lutte contre l'obscurantisme religieux. Donc dès le départ, dans les années 70, c'était déjà très présent. Et moi, j'ai découvert ces écrits qui n'étaient pas des écrits scientifiques au sens premier, mais ils s'inspiraient vraiment de vraies connaissances pour en faire aussi, disons, eh bien, de la littérature et avec de l'humour. J'étais tout de suite passionné par ces textes-là. Et ensuite, tout au long, moi, des années passées à Charlie, j'ai aussi été imprégné de cette relation entre l'esprit des Lumières et le combat militant de Charlie contre l'obscurantisme religieux. Donc entre ses premières lectures de moi adolescent dans les années 1970 et puis l'attentat dont on parlait le 7 janvier 2015, il y a un lien très fort. Et on a fait récemment à Charlie un numéro spécial sur les Lumières. Donc ça n'est pas pour rien. Donc voyez, en fait, l'esprit des Lumières est itinérant, fait partie vraiment de façon très très intime. Donc la connaissance contre l'obscurantisme religieux fait partie de l'essence de Charlie. Et moi, dans cet album, c'est aussi ce que j'ai voulu faire. Mais disons, voilà, c'est aussi ce que j'ai voulu exprimer. Antonio, c'est pour parler de Charlie Hebdo, mais aussi pour... Bien sûr, parce que vous avez publié avec un dessinateur de très grand talent qui s'appelle Bouzard, son prénom Guillaume Bouzard. Guillaume Bouzard, un livre qui s'appelle La planète des sciences, dans une collection qui compte trois titres. C'est le troisième titre. Le premier, c'était La planète des sages, sur les philosophes. Oui. Le second, c'était un ouvrage sur la mythologie. Oui. 50 nuances de grec. Voilà. Et le vôtre, donc, s'appelle La planète des sciences. Il est constitué de, publié chez Dargaud. Donc, il y a une page de texte sur un grand personnage de la science ou des sciences. Et puis, une bande dessinée d'une page réalisée par Guillaume Bouzard. Voilà. C'est le principe de cette collection. C'est donc, une page de texte, une page de bande dessinée. Donc, le premier sur la philosophie, le deuxième sur la mythologie grecque, et puis celui-ci sur la science. Donc, c'était une demande de Dargaud. Guillaume Bouzard, donc, lui, est dessinateur au Canard Enchaîné, et il s'est inspiré de mes textes pour faire... Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Est-ce qu'il a participé au choix des personnages que vous avez retenus? Non, puisque, donc, lui, il connaît pas du tout la science, hein, c'est... Et par contre, moi, je lui ai donné mes textes. Et ensuite, bon, l'idée, c'était d'avoir un duo où, dans mes textes, moi, mon principe, c'était déjà d'expliquer de façon très simple ce que le chercheur avait apporté à l'histoire des sciences, de mélanger, de mêler ça à son histoire personnelle et sociale. Et à partir de ça, lui, ben, il était libre d'en faire de l'humour, mais on discutait quand même sur l'angle de façon à ce que, voilà, déjà, je dis pas d'erreur scientifique, hein, et aussi pour que, voilà, mélanger l'anecdotique et puis les idées scientifiques. J'ai beaucoup ri en lisant ce livre, en lisant vos textes, mais encore plus en lisant les planches réalisées par Bouzard. Alors, il y a 37 personnages. Oui. Première question, pourquoi n'y a-t-il que trois femmes? Alors, cette question, effectivement, on me la pose assez régulièrement. Mais, les lecteurs, les lectrices me la posent. Vous allez me répondre que ce n'est pas de votre faute. Voilà, c'est ce que je dis dans l'introduction. C'est-à-dire, parmi les critères que j'ai donc choisis pour sélectionner, pour faire cette sélection, parce que des scientifiques, il y en a des centaines, c'était alors... Premièrement, un changement de paradigme, hein, disons des scientifiques qui ont apporté une révolution dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire avant et après, c'était pas pareil, c'était pas la même chose. Ce qu'on distingue de la science dite normale, où on avance par accumulation du savoir, par briques successives, c'était pas le seul critère. Il y avait aussi l'histoire personnelle. Quand il y avait quelque chose de très fort dans l'histoire intime de l'individu ou ses rapports avec le pouvoir politique. Donc, mais la parité n'était pas un critère que je m'étais imposé. Donc, il se trouve que effectivement, les Galilée, les Newton, les Darwin et puis d'autres aussi moins connus. Max Planck ou Claude Bernard, etc., étaient de sexe masculin. Donc, les femmes, il y en a trois, Marie Curie, donc Jane Goodall, Emmanuel Charpentier. Je suis le premier à le regretter, mais il aurait fallu faire un autre album qui s'appellerait Les femmes en science, mais il se trouve que ça n'est que le reflet de la domination masculine en science, comme dans d'autres disciplines. Si on devait faire un album sur l'histoire de la peinture ou l'histoire de la musique, eh bien on aurait aussi une domination masculine, c'est le reflet de la société. Alors, dans la question que je posais, est-ce que la science est une affaire de génie ? Est-ce que vous considérez que les 37 que vous avez retenus sont des sortes de génies ? Mais est-ce que vous pensez aussi que pour comprendre leurs idées, il faut aussi comprendre le contexte social dans lequel ils vivaient ? Mais il y a les deux, c'est-à-dire... Il faut mélanger la vie à l'œuvre ? Exactement, moi c'est ce que j'ai voulu faire. Bon, le choix de cette collection, c'est d'entrer par des personnages. On aurait pu, l'éditeur aurait pu choisir de faire, des entrées différentes par thématique, etc., par grandes idées. Mais ces personnages, donc, alors, il y a un avantage et puis peut-être un risque. Le risque, c'est de faire croire que la science se construit uniquement par les apports de personnalités, de génies. Or, on sait qu'il y a toujours un travail collectif, même chez les plus grands, qu'il y a toujours des précurseurs, même chez les plus grands, que les idées sont parfois dans l'air du temps. Même Darwin, si c'est lui le père de la théorie de l'évolution, il y a aussi Wallace qui aurait pu aussi être, qui avait les mêmes idées à peu près. D'ailleurs, c'est sous la pression de Wallace que Darwin a publié. Voilà, même Pasteur aussi, lui-même avec des prédécesseurs, des collaborateurs, etc. Même Einstein aussi, ses idées aussi étaient dans l'air du temps avec Poincaré. Qui, absolument, aussi... mais Einstein, dans ses notes autobiographiques qu'il a publiées en 1947, dit qu'il faut dissocier sa pensée de sa biographie. Je le cite, « L'essentiel dans l'existence d'un homme de mon espèce réside dans ce qu'il pense et comment il pense, non dans ce qu'il fait, ni dans ce qu'il souffre. » Comme s'il y avait une paroi étanche entre l'œuvre et la vie, finalement. Mais, en fait, il n'y en a pas, parce que... Il le dit lui-même quand il était au bureau des brevets à Berne en 1905, année où il a produit la théorie de la relativité. Il examinait des brevets qui parlaient beaucoup d'électromagnétisme. Et c'est en les regardant qu'il a vu qu'il y avait un petit problème dans l'interprétation des équations de Maxwell. Et donc sans ce contexte, peut-être que les idées qu'il a eues n'auraient pas pu germer aussi facilement. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une interaction entre les deux. Ça n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Cette entrée par personnage peut présenter ce risque de faire croire qu'il n'y a que des génies isolés. Mais en même temps, elle est très efficace pour personnaliser la science. Moi, ce que j'ai voulu faire, ça n'est pas simplement une histoire des grandes idées scientifiques, mais cette histoire des grandes idées scientifiques la relier à l'humanité, évidemment, donc la vie intime, c'est-à-dire, je parle aussi d'Antoine von Leeuwenhoek, qui était un drapier, qui était le père de la microbiologie, donc c'était un drapier. Histoire incroyable. Oui, voilà, on peut peut-être... On en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Et cette histoire est en lien avec la société. Si beaucoup de ces scientifiques ont eu des mailles à partir avec le pouvoir religieux, souvent, ça n'est pas non plus anodin. Donc, c'est une interaction entre les deux, et voilà, ce n'est pas étanche. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Antonio Fischetti, à tout seigneur, tout honneur. Commençons par Léonard de Vinci, il est mort en 1519, donc on célèbre le 500e anniversaire de sa mort. Comment est-ce que vous le résumez en une page ? Impossible à résumer. Voilà, alors... C'est la grande difficulté de faire un portrait comme ça, donc en une page, puisque pour certaines personnalités, alors Il y a eu des dizaines et des dizaines de livres écrits. On pourrait écrire des biographies de 500 pages. C'est le seul scientifique, à ma connaissance, qui soit exposé au musée du Louvre. Oui, voilà. Alors lui, d'abord, je l'ai choisi parce que, justement, il exprimait la relation entre l'art et la science. Il est connu pour avoir peint la Joconde, mais il y a aussi beaucoup d'inventions. Alors, des inventions qui préexistaient sans doute aussi à l'époque, hein, mais en tout cas que lui a dessiné, formalisé, etc. Donc, il est l'exemple type de cette relation entre l'art et la science. Donc, moi, ce que j'ai voulu exprimer, c'était exactement ça, c'est-à-dire la conclusion de la page, c'est que on pourrait voir finalement ces œuvres artistiques comme des œuvres scientifiques, et puis réciproquement ces œuvres scientifiques, ces inventions scientifiques comme des œuvres artistiques. Il n'y avait pas forcément de séparation entre les deux comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il a fait des découvertes qui devraient toucher l'acousticien que vous êtes. Il est le premier, grâce à des dissections, à avoir compris le fonctionnement des cordes vocales. Oui, notamment. Hein. Et donc, alors il s'intéressait à tout. C'est ça aussi qui est intéressant avec lui, c'est que il s'intéressait à la peinture, il s'intéressait à l'ingénierie, évidemment, à l'hydraulique, au corps humain. Et donc, effectivement, il a fait des dissections. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque de Léonard de Vinci, on pensait que l'érection était liée au fait que le pénis était gonflé d'air? J'ai vérifié toutes ces informations. Parce que lui a montré que c'était gonflé de sang, et il était le premier à le savoir. Voilà, enfin, en tout cas, à émettre cette hypothèse, même si ça n'a pas été démontré de manière formelle, puisqu'il n'avait pas encore les moyens. Hein. Mais lui, grâce à ses dissections, il a été le premier à dire que l'érection du pénis était due à donc un afflux de sang et non pas à un afflux d'air comme on le croyait à l'époque. Et donc, j'ai mis vraiment un point d'honneur à vérifier. De manière très approfondie. On croyait en une sorte d'érotisme de la montgolfière à l'époque. Je ne sais pas, mais en tout cas, il s'intéressait vraiment, grâce à ses dissections, au fonctionnement des muscles, etc. Et ça, il l'utilisait aussi dans ses peintures. C'est pour ça qu'il y a une forte interaction entre ses dissections de fœtus, de vieillards, etc. et la manière très précise dont il peignait le corps humain. Alors, il y a Galilée, évidemment, qu'on ne peut pas passer sous silence. Alors, pour le coup, lui, il fait pas de discussion. Ouais. Même si, comme vous le dites, il n'a pas été le Jean Moulin de l'astronomie. Ah, ben, puisque, bon, il a abjuré devant le tribunal de l'Inquisition. Mais il a quand même été très courageux. Enfin, oui, on voit pas lui. Il a utilisé la ruse, parfois, mais il a été courageux. Ah ben on va pas lui reprocher, puisque bon, ben je sais pas moi comment on aurait réagi vous et moi si on était tout d'un coup confrontés au tribunal de l'Inquisition avec toutes les menaces de torture qui s'ensuivent. Donc donc Galilée. Alors moi, c'est-à-dire ce que j'ai voulu aussi dire, c'est que vous voyez, il y a des noms comme ça qu'on connaît plus ou moins, que le grand public connaît plus ou moins. Bon, Galilée, tout le monde le connaît, hein. Copernic aussi, mais il a fait tellement de choses qu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Voilà. Et l'idée, c'était quand même d'apporter, en disons une page, l'essence le plus important. Donc, mais justement, est-ce que en se concentrant sur le procès, la condamnation, donc la fin de sa vie plutôt, on n'oublie pas tout ce qu'il a fait dans sa jeunesse? Autrement dit, est-ce qu'on arrive, quand on fait de l'histoire des sciences, et c'est ce que vous faites à votre façon dans ce livre, est-ce qu'on échappe à la réduction, à la légende, au raccourci? Dans cette mini-biographie, j'essaie d'aborder différents aspects, c'est-à-dire effectivement comment il a prouvé la rotation de la Terre autour du Soleil, donc déjà, et puis ensuite aussi ses autres travaux sur la gravitation, donc vous voyez... Donc la chute des corps, disons. La chute des corps, la chute des corps. La chute des corps, voilà, après bon... Plutôt Newton. C'est plutôt Newton, hein, sur la chute des corps, donc... c'est quand même l'idée, c'est quand même aussi de sortir des clichés et d'apporter des petits éléments qui parfois sont anecdotiques, mais qui nourrissent quand même le personnage, puisqu'en fait, moi, je pense toujours quand j'écris aux néophytes, hein, donc ce livre s'adresse aux néophytes, et le néophyte. je me rends compte, il a besoin, et puis c'est aussi une porte d'entrée, comme l'humour des dessins. La chair, les petits détails de vie sont une porte d'entrée à la compréhension de l'œuvre scientifique. Et quand je rencontre des gens qui ont lu le livre, souvent ce qui les a marqués, je me rends compte, c'est ça, c'est ah oui, tiens, le fait que Newton, on parlait de Newton, oh ben Newton, lui, il semblait plutôt asexué, contrairement à Einstein qui était connu comme un coureur de jupons. Vous voyez, en fait, exagéré. Ben peut-être, mais enfin en tout cas c'est la réputation, enfin peut-être pas non plus complètement. Enfin, disons que c'est relativement exagéré. Bon, mais en tout cas, si on compare l'un à l'autre, mais ce petit élément de vie, c'est son genre de détail qui marque les gens, ça rend les scientifiques humains, voilà en fait, c'est ça, mais ça rend les scientifiques humains. Je suis bien d'accord, mais quand Galilée par exemple dit, et pourtant elle tourne, en fait il l'a pas vraiment dit. Ah bah oui, bien sûr, mais ça il y a comme précise. Ça beaucoup de légendes. Bien sûr. Vous parlez par exemple de Mendeleïev, grand chimiste qui a écrit le fameux tableau périodique, qui rassemble tous les éléments chimiques qui étaient connus à son époque. Mais il y a une légende qui est d'ailleurs colportée sur certaines bouteilles de vodka, selon laquelle il aurait inventé la vodka, c'est-à-dire oui. qu'il aurait déterminé le degré d'alcool idéal de la vodka, qui est 38 degrés, qui par la suite a été oui. fixé à 40 degrés d'alcool, pour faciliter le calcul de taxes sur l'alcool. Et cette légende très ancienne s'appuie, entre autres éléments, sur le fait que Mendeleïev a été nommé directeur du bureau des poids et des mesures de Saint-Pétersbourg en 1893, et surtout que sa thèse de doctorat portait sur la combinaison de l'alcool et de l'eau. Mmh. Or, les Russes ont fait une très grosse enquête, et un site russe a compilé les arguments en faveur de cette légende et les arguments contre, et la conclusion, c'est que ça tient pas la route. Voilà, bon ben... Là... Tout personnage, disons public, comme ça, qui rentre dans l'histoire des sciences, a sa part de légende. Certaines sont complètement fausses, certaines ont peut-être une part de vérité. Alors c'est le cas de, enfin, en tout cas, elle n'est pas confirmée cette légende sur donc Mendeleïev et la vodka. De même que la fameuse légende de la pomme de Newton qui lui serait tombée sur la tête et à partir de laquelle il aurait eu l'idée donc de. Mais elle a quand même parlé de pomme. Hein. Oui, mais enfin bon, le fait qu'il ait reçu une pomme sur la tête, ça quand même, c'est pas forcément avéré en tout cas. Disons hein. que Gottlieb a dû Gottlieb, oui, ça... écrire un peu l'histoire. Ouais. Et pour le fameux « Elle pourtant, elle tourne » de Galilée, là aussi il n'y a aucun élément permettant de confirmer cette légende. Mais bon, parfois, il y a des fois des faits qui sont moins connus, comme par exemple Yves Coppens, donc quand ils ont découvert... L'un des personnages. Voilà, l'une des ancêtres d'humanité, Lucie, hein, donc ils l'ont appelé ainsi parce qu'ils écoutaient la chanson des Beatles, Lucy in the Skies of Diamonds. Alors, un personnage aussi dont vous dites qu'il est peu connu, en fait, j'ai l'impression qu'il est beaucoup, c'est Max Planck. Non, je parle du grand public en fait. Pour les scientifiques, effectivement, il est extrêmement connu. Mais quand j'écris, je pense souvent, vous voyez, à mes sœurs qui connaissent pas rien du tout à la science, hein, mes voisins de palier. Moi, si je leur parle de Max Planck, peut-être le nom leur est entré dans l'oreille de temps en temps, évidemment. Mais qui peut dire dans le grand public ce que Max Planck a apporté? Pas beaucoup de monde, là, nous on parle entre nous comme ça, mais évidemment, donc, voilà, Max Planck, c'est effectivement ce père de l'idée des quantas, mais il a ceci d'intéressant qu'il n'a pas cru à sa propre découverte. Voilà. C'est quand même assez rare de découvrir quelque chose et d'être tellement choqué qu'on n'y croit pas. Et oui, ça c'est formidable. Alors, c'est aussi quelque chose quand même qu'on retrouve sous différents aspects, assez régulièrement dans cette histoire des sciences. C'est-à-dire, Max Planck, lui, il découvre quelque chose, il n'y croit pas vraiment. Après, c'est Einstein hein, qui développe vraiment qui, ça. Qui va le prendre au sérieux et même le radicaliser, si on peut dire. Voilà. En disant que la lumière est en effet constituée de quantas voilà. de lumière. Voilà. Donc, effectivement, alors là, lui, il n'y croit pas vraiment, c'est développé ensuite. Et puis, inversement, il y a aussi des gens qui découvrent des choses par hasard, comme évidemment Alexandre Fleming, la découverte de la pénicilline, avec ce fameux flacon qu'il oublie et sur lequel se forment des champignons qui tuent les bactéries à partir de cette découverte. Bien sûr, quelques années plus tard, parce que lui-même, c'est aussi la même chose, d'une certaine façon, il s'en désintéresse, il voit ça, Ok, ils découvrent que les champignons, les moisissures tuent des bactéries, mais au départ, ils pensent pas à en faire un médicament. Ils se disent que ça doit être utile pour comme sorte de filtre pour sélectionner certaines bactéries. Ils mettent ça de côté et il faut attendre plus de 13 ans pour que d'autres scientifiques se rendent compte que ça peut être utile. Et entre-temps, des milliers et des milliers de personnes sont mortes. Donc, mais ça veut dire qu'un révolutionnaire, en un sens, ne sait pas la révolution qu'il fait. Voilà, voilà. Et après, on redécouvre finalement ce phénomène et on s'en sert pour fabriquer un médicament, et en plus ça tombe bien puisqu'on est en pleine guerre mondiale, et donc le nombre de vies sauvées se compte par millions. Alors il y a un nom qui est très connu, c'est Pavlov. Oui. Mais est-ce qu'on sait qui il était? Alors Pavlov... Quand il a vécu, ce qu'il a fait, oui. Et comment il a pu devenir indirectement le héros d'un roman de Koestler. Voilà, alors, donc... ce que j'ai voulu dire aussi dans ce livre, c'est qu'il y a des noms comme ça qui résonnent dans l'imaginaire collectif et on ne sait pas forcément à quoi ça renvoie. Pavlov, c'est devenu quasiment un nom commun. On dit que c'est un réflexe pavlovien. Donc, mais quelle est l'histoire? Donc, Ivan Pavlov, donc c'est un Russe, hein, s'est intéressé à un phénomène banal, la salivation, hein. Donc des chiens. Donc a priori, on peut se dire bon, s'intéresser à ça, c'est pas non plus de la grande science. Et pourtant, il a eu le prix Nobel en partant de là. Il s'est rendu compte que le chien, donc on connaît cette expérience, on lui fait entendre... de physiologie. Mais est-ce qu'il existe encore ce prix Nobel? C'est physiologie médecine, ouais, en fait. D'accord. Voilà, c'est jumelé d'une certaine façon. Il l'a eu en 1904, donc c'est un des premiers lauréats. Voilà. Donc, en découvrant que le chien se met à saliver, alors si on lui fait entendre une sonnette et qu'on lui donne après à manger, il salive, parce que voilà, c'est un réflexe conditionné, et donc il va continuer à saliver chaque fois qu'il va entendre la sonnette. Donc il corrèle la sonnette à la nourriture. Voilà, il corrèle la sonnette à la nourriture. Mais qu'est-ce qu'il montre à travers ça, Pavlov? C'est que des comportements peuvent être étudiés de manière scientifique avec des expériences. Et ça, c'est totalement nouveau. Puisqu'à l'époque, on s'imaginait que les comportements, bon ben voilà, c'est quelque chose qui a échappé à la démarche scientifique. Le problème de Pavlov, c'est qu'après, il a voulu appliquer ses raisonnements à tous les comportements. Donc, évidemment, tous nos comportements ne sont pas des comportements pavloviens, mais certains le sont. Je parle, par exemple, de la Madeleine de Proust en littérature. Si, quand j'étais enfant, je mangeais des madeleines et ça me rappelait de très bons souvenirs avec ma maman, et bien sûr, quand chaque fois que je vais goûter une madeleine, je vais revivre ces souvenirs. Donc, c'est pavlovien aussi, ça. Et les découvertes de Pavlov ont été fondamentales, puisque souvent... Il a une mauvaise image, Pavlov, comme si on réduisait l'homme à une machine. Mais découvrir ses comportements, les mécanismes de ses comportements, c'est aussi offrir les moyens de s'en libérer. Donc voilà, j'ai voulu réhabiliter l'image négative de Pavlov. Alors Antonio Fischetti, vous citez dans ce portrait de Pavlov Arthur Koestler, oui, qui a écrit un roman qui s'appelle « Les hommes ont soif ». Dans lequel un homme expérimente la théorie de Pavlov sur ses maîtresses. Il touche systématiquement, dites-vous, l'épaule de son amante quand elle atteint l'orgasme, de sorte qu'il n'a plus besoin de lui faire l'amour et qu'une simple pression de l'épaule suffit à la mener au 7e siècle. Voilà, c'est ça. C'était le ciel, pas siècle. Ciel, ouais. Ben oui, c'est pavlovien, hein, donc... Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Dans le livre, ça marche, mais dans la réalité, j'ai jamais essayé. Parce que les chiens dont parle Pavlov, ça marche pas toujours. C'est-à-dire, si on, pendant plusieurs fois, on active la sonnette sans qu'il y ait de nourriture, l'activation ne fonctionne plus. Oui, bien sûr, au bout d'un moment. Les chiens sont pas bêtes. Ah, bah oui, au bout d'un moment, il comprend, hein. Ça marche un certain temps, évidemment, mais après, le chien comprend qu'on se moque de lui. Donc, mais dans le livre d'Arthur Koestler, donc, c'était quelqu'un qui avait effectivement, disons, un esprit scientifique qui voulait appliquer à sa vie intime. Vous connaissez la règle de l'émission. On doit écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Je crois qu'il s'appelle C'est normal. C'est normal, oui. Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

J'ai appris beaucoup de choses en lisant, notamment l'existence de personnages qui étaient inconnus de moi, notamment ce drapier qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, Anthony von Leeuwenhoek. Ouais. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, je pense. Qui est né en 1632, ouais. Qui est mort en 1723. Alors, en tant que drapier, qu'a-t-il fait ? Alors, moi, je l'aime bien. Enfin, c'est peut-être même mon préféré, puisque ce qu'on découvre aussi, enfin, c'est intéressant l'histoire des sciences, c'est que, eh bien, il y a des personnalités qui ont apporté énormément et qui n'étaient pas ce qu'on pourrait appeler des savants à l'époque. Hein. Donc lui, c'était un drapier, voilà. Donc en tant que drapier, il disposait d'un ce qu'on appelle un compte-fil pour regarder, comme une sorte de grosse loupe, hein, donc les fils des draps. Et mais lui, bon, les draps, ça l'intéressait moyennement. Donc il a commencé à regarder tout autour de lui avec son compte-fil, donc des gouttes d'eau. La terre, etc. Et puis il a vu que ça bougeait, qu'il y avait des choses là-dedans, et donc petit à petit, ben il a s'est demandé ce qui se passait, et puis il a commencé à fabriquer des microscopes, mais qui ressemblaient pas aux microscopes actuels, c'est-à-dire des petites gouttes de verre taillées, quoi, en fait, hein, de forme arrondie. Et puis il a découvert, eh bien, ce monde microscopique, c'est, il a découvert les premiers micro-organismes, les bactéries, et puis il a regardé tout autour de lui. Des animalcules, voilà, au départ. Donc, c'était vraiment l'invention de la microbiologie, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait déjà des instruments pour regarder l'infiniment petit, mais les savants de l'époque ne s'y intéressaient pas du tout. Et simplement, parce qu'il a eu la curiosité de regarder la où personne ne regardait, il a découvert un monde inconnu. On peut découvrir des mondes inconnus en allant à l'autre bout du monde, en scrutant l'espace, mais juste à ses pieds, en fait, il a découvert ce qui deviendra la microbiologie. Mais est-ce que c'est lui qui a découvert les spermatozoïdes ? Oui, il a été le premier. Alors déjà, il a été le premier aussi à découvrir, par exemple, à observer la circulation du sang, puisque comme il regardait tout, regardez des œufs de grenouille, il a vu que ça bougeait, et puis il a eu la curiosité, évidemment, sa curiosité n'avait aucune limite. Un jour, il s'est dit, tiens, je vais regarder mon sperme, il s'est masturbé, il a regardé son sperme, il a vu que ça bougeait, et donc il a appelé ça des vermicules, c'est ce qui sera nommé plus tard les spermatozoïdes, et qui était encore inconnu. Il était donc autodidacte, il écrit au président de la Société Royale de Londres, et il dit, voilà, si mes descriptions sont de nature à répugner ou scandaliser les savants, il vous appartient de les considérer comme confidentielles, ou de les publier, ou bien de les détruire comme bon vous semble. Oui, prenez des précautions un peu liées à l'époque, mais il avait quand même beaucoup de succès, les souverains venaient le voir, étaient stupéfaits par ce monde, tout d'un coup, qui s'ouvrait à eux. Donc, aujourd'hui, bien avant Pasteur, là on est bien avant Pasteur, évidemment, c'est... Il est considéré comme le père de la microbiologie. C'était un drapier. D'où vient que je ne connaissais pas son nom ? C'est mon inculture crasse ou non, le fait qu'il a pas assez... Il n'est pas médiatisé, il n'est pas... Voilà, il est méconnu, disons, de l'histoire des sciences. Et comment vous l'avez rencontré, si j'ose dire ? Bah, moi, je l'ai rencontré comme on fait quand on fait ce genre de choses. Comment vous avez fait vos enquêtes ? Comment est-ce que vous avez appris sur la vie et l'œuvre de ces savants ? Vous avez... consulter alors, Wikipédia ou faire un travail plus profond? Non, c'est des dizaines et des dizaines de livres. Mais comment est-ce est-ce qu'on fait pour passer de la lecture de centaines, voire de milliers de pages, oui, à un condensé qui tient en une page? Comment est-ce qu'on choisit, oui, l'élément, l'anecdote, la découverte? Alors déjà, choisir les personnages, faire le casting, ça prend du temps, puisque dans certains domaines, il y a des dizaines de personnes. Alors pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Donc, alors oui, j'ai lu des livres, par exemple. Alors déjà les disciplines, hein, puisque dans cet album, il y a des maths, de physique, chimie. Les maths, il n'y a qu'un mathématicien, hein, c'est Grothendieck. Oui, c'est vrai que les maths, on ne s'est pas présenté. Il y a quand même Al-Khwarizmi, donc un perse. On peut dire que Pythagore aussi et Thalès sont, ouais, des mathématiciens. Donc voilà, hein, on dira quatre, hein, quand même. Excusez-moi, d'accord, j'ai mal compté. Voilà. Alan Turing aussi. Oui, donc ça fait cinq, oui, quand même. Il y a la période révolutionnaire, hein, qui a vu passer sous la guillotine un certain nombre de savants. Bailly, le premier maire de Paris, qui était astronome, mathématicien, mais aussi Lavoisier. Oui, Lavoisier. Il fait partie de votre liste. Ben oui, puisque bon, le père de la chimie moderne. Hein. Donc avant Lavoisier, il y avait les alchimistes qui ne faisaient pas de la science, qui manipulaient des éprouvettes, voilà, mais qui n'avaient pas ce qu'on appelle la méthode scientifique. Et Lavoisier, c'était le premier à utiliser des mesures, donc pour étudier les transformations des matières. Il a identifié la composition de l'air, de l'eau, donc voilà, des choses fondamentales. Et puis surtout, il a posé les bases de la méthodologie scientifique de la chimie. Malheureusement, il a montré qu'il était normal qu'un corps brûlé soit plus lourd que le corps avant qu'il brûle. Voilà. Puisque donc il y a la consommation de l'oxygène, et à cette époque-là, on n'imaginait pas que l'oxygène puisse jouer un rôle dans la combustion des corps. Donc, et surtout, il a mesuré extrêmement précisément, puisque il fallait le faire quand même, c'est quand même, on parle de doses infinitésimales, donc il fallait être extrêmement précis dans ses mesures. Donc Lavoisier est le père de la chimie moderne, hein. Mais malheureusement, il a été décapité, puisqu'en fait, ce qui est assez étonnant aussi, on parlait hein, de la dimension humaine de ces savants. Lavoisier faisait de la chimie le week-end, le soir, puisque son métier, ça n'était pas d'être chimiste, mais fermier général. C'était une sorte collecter les impôts. Ouais, percepteur d'impôts, en fait. Hein. Et donc, c'était sa passion, comme d'autres font du jardinage, lui faisait de la chimie le week-end. Et après, en tant que fermier général à la Révolution, eh ben, il a été considéré comme un oppresseur du peuple, et puis comme on guillotine à tour de bras à cette époque, eh ben, il est passé sous l'échafaud après un procès expéditif. Alors, dans son traité de chimie élémentaire qu'il a publié en 1789... il écrit des choses très intéressantes sur le rapport entre science et langage. Il dit que si on dit mal la science, ou si on n'utilise pas le bon langage, on la comprendra mal. Je le cite, « On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni perfectionner la science sans perfectionner le langage, et quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. » Bah, ça doit parler aux journalistes que vous êtes. Bah évidemment, on pourrait dire aussi ce qui se comprend bien s'énonce bien. Hein. Donc, les idées, que seraient les idées si on n'avait pas les mots pour les exprimer, hein. Donc, on pourrait peut-être imaginer une pensée qui se passe de langage, comme peut-être la pensée animale. Hein, mais bon, c'est un autre domaine. Mais en tout cas, nous on a besoin des mots. Et ça rejoint aussi un petit peu. Il y a Linné, hein, Carl von Linné, qui est donc ce biologiste qui a été le pionnier de la classification des espèces. Donc, nommer les espèces, nommer les familles, les genres, c'était aussi une façon de comprendre le monde, puisque il y avait des milliers, des dizaines de milliers de plantes, d'animaux, etc. Comment les classer ? Comment les classer ? Bien, avec une méthode scientifique et avec des mots. Donc, sans les mots genre, famille, ordre, espèce, etc., on est perdu. Donc, comprendre, c'est d'abord nommer. Et ranger, c'est nommer, évidemment. Alors, vous, on a évoqué Grothendieck, qui est un grand mathématicien, qui a une histoire assez singulière. Oui, qui alors a inventé ce qu'on appelle la géométrie algébrique. Oui. Alors, bon, Alexandre Grothendieck. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, alors, vulgariser, essayer de faire comprendre son apport en mathématiques, c'est quand même quelque chose de très difficile. Donc c'est la relation entre l'algèbre et la géométrie, c'est-à-dire en gros entre les équations et les formes. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, pas forcément pour son apport mathématique, puisqu'il a été immense, évidemment, il a été médaillé Fields, mais c'était surtout sur sa personnalité, puisqu'il a été quand même l'un des premier, si ce n'est le seul, en tout cas l'un des rares scientifiques, a posé la question du rapport entre le scientifique et le pouvoir politique, puisque là on est donc aux environs donc des années 60-70, et à cette époque-là, donc déjà il était très politisé, puisque quand il a reçu la médaille Fields, donc il a refusé d'aller la chercher parce qu'elle était remise à Moscou, et on venait d'arrêter deux intellectuels, voilà, qui avaient été condamnés à plusieurs années de camp pour avoir publié des textes en Occident sans autorisation. Voilà, et puis il remet l'argent de la médaille Fields au gouvernement du Nord-Vietnam, donc déjà c'était très politique, hein, comme attitude. Et ensuite, dans les années 68-70, donc Grothendieck, un jour, il va avoir les étudiants qui étaient sur le campus, dans cette effervescence politique, et puis il découvre que finalement, eh bien, sa vraie vocation, peut-être, hein, c'est de faire des maths, mais aussi de faire de la politique. Et il est l'un des fondateurs de l'écologie politique, avec un mouvement qui s'appelait au départ Survivre, et après Survivre et Vivre. Et donc, à cette époque-là, les écologistes n'étaient pas pris au sérieux comme aujourd'hui. C'est une écologie radicale. Hein. Radicale, très radicale. À l'époque, parler d'écologie, c'était mal vu. On était vu comme un hippie, complètement irréaliste, etc. Aujourd'hui, tous les partis politiques parlent d'écologie, mais à l'époque, c'était pas du tout la même chose. Et donc, il a été le fondateur de l'écologie radicale. Et à cause de ça, donc, il a démissionné de l'institut dans lequel il travaillait, puisqu'il y avait 5% du budget qui était d'origine militaire. Il ne voulait pas même, pour 5%, contribuer donc à la destruction de la planète, comme il disait. Et ensuite, il a été tricard, on peut le dire, puisqu'il a eu extrêmement de mal à retrouver du travail. Et à la fin de sa vie, il est devenu ermite dans un petit village des Pyrénées à La Serre. Et où là, on peut dire qu'il a peut-être mal tourné, puisqu'il a commencé à écrire des milliers de pages sur le diable, sur l'ésotérisme. Mais en tout cas, qui contiennent des mathématiques et qui sont aujourd'hui explorées par les mathématiciens. Oui, il a laissé des milliers de pages, et puis les mathématiciens pensent qu'il faudra encore beaucoup d'années pour essayer de comprendre donc la richesse de cette œuvre. Mais comme comme scientifique impliqué dans l'action politique, je trouve qu'il est vraiment un pionnier, et à ce titre, il méritait d'être dans une histoire des sciences. Il a fait toute sa vie, par exemple, entre 1950 et 1970, il a fait des mathématiques, seulement des mathématiques, travaillant comme un acharné. Et puis c'est seulement en 66 qu'il a découvert en quelque sorte la politique et s'est complètement investi dedans. Oui, voilà, il a pas toujours été comme ça, mais à un moment donné, donc il l'a exprimé de façon extrêmement radicale, comme personne, ni avant ni après, lui l'aura exprimé. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Mais après avoir écrit donc 37 portraits de savants, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des êtres en général marginaux, socialement marginaux, ou est-ce qu'ils sont, pour certains d'entre eux en tout cas, parfaitement insérés dans la société? Il y a de tout, mais c'est vrai que souvent, ils ont une histoire quand même assez complexe avec notamment le reste de la société. Pour en revenir à ce qu'on disait au début sur Charlie Hebdo, moi j'ai trouvé quand même beaucoup d'exemples de scientifiques qui ont été en opposition avec le pouvoir de l'époque. Il y a évidemment Giordano Bruno qui a été brûlé par le Vatican, Galilée qui a été contraint d'abjurer, mais il y en a d'autres aussi, Alan Turing qui lui a été l'un des fondateurs de ce qui deviendra l'informatique, mais qui a été condamné pour homosexualité, hein, on était dans après les années 50. Alors même qu'il avait décodé le code allemand Enigma, qui a, d'une certaine façon, raccourci la durée de la guerre. Voilà, exactement, c'était un héros de la guerre. Et mais pourtant, comme c'était secret défense, il n'a pas pu, et personne n'a pu en témoigner lors de son procès. Voilà, et donc il a été condamné, contraint à une castration chimique, et après il s'est suicidé. Alors que c'était un grand sportif, et courant le marathon, et la camisole chimique l'a fait gonfler, et il a mal supporté cela. Voilà, il s'est suicidé en mangeant une pomme au cyanure. Alors après, dit-on comme Blanche-Neige, dans le conte. Mais on dit aussi que ça a inspiré le logo de Apple. Voilà. Est-ce que c'est vrai ça? J'ai cherché et ça a été ni confirmé ni démenti par Apple. Donc ça reste. Donc c'est quantiquement vrai. Ça reste une possibilité, voilà. Et en tout cas, il aura fallu attendre quelques années simplement. Je crois en 2004, pour qu'il soit réhabilité par la reine. Puis pardon officiel de la reine. Donc ensuite, il y en a d'autres comme Alfred Wegener qui est le fondateur de la théorie de la. Alors lui, c'est pas le pouvoir qui l'a embêté, c'est plutôt les scientifiques eux-mêmes. Les scientifiques eux-mêmes, mais disons, poser la question sur la marginalité des scientifiques. Eh bien, lui, il était météorologue et puis il a, formalisé la théorie de la dérive des continents, mais pendant plusieurs dizaines d'années, il n'a pas été pris au sérieux par la communauté scientifique parce qu'il n'était pas géologue. Il était moqué. Il était moqué, donc beaucoup de scientifiques ont subi ce genre de choses. Et puis on peut citer aussi le père de la génétique, le moine Gregor Mendel, qui était un moine dans son coin, qui cultivait des petits pois, qui était le premier à établir les lois de l'hérédité, et il a envoyé ses textes à des scientifiques de l'époque, dont Darwin, et il n'a pas été suivi, pris au sérieux. Il aura fallu attendre aussi plusieurs années pour que ses lois soient redécouvertes et qu'il soit reconnu comme le père de ce qui deviendra la génétique. Antonin Fisketty, on a dit en préambule qu'il y avait quand même peu de femmes dans cette histoire, alors on va quand même parler des trois qui sont dans votre ouvrage La planète des sciences. Peut-être commencer par Jane Goodall, qui a étudié les chimpanzés avec une grande minutie, a découvert qu'ils étaient capables d'utiliser des outils à des fins intentionnelles. Oui, alors Jane Goodall, qui non seulement est une femme, mais qui est encore en vie, donc l'une des personnes de cet album encore en vie, puisqu'on parle de Thalès, on arrive à Emmanuel Charpentier. Donc Jane Goodall, ce qui est formidable chez elle, c'est que, bah, au départ, d'ailleurs aussi, elle n'était pas scientifique. Elle était secrétaire, en fait, hein, d'un primatologue. Il avait proposé de l'accompagner en Afrique, au Kenya. Et là, c'est parce qu'elle était une femme qu'elle a révolutionné la biologie d'une certaine façon. Puisque, à cette époque-là, déjà, très peu de gens étudiaient les chimpanzés. Et ceux qui le faisaient en captivité, avec des chimpanzés en captivité. Donc, elle part au Kenya. Au départ, elle est secrétaire du primatologue. Et après, petit à petit, eh bien, on lui propose de faire des observations. Mais à l'époque, s'isoler pendant des mois en Afrique, c'était dangereux. Pour quelqu'un qui voulait avoir une carrière, une brillante carrière universitaire, il fallait rester sur place. Donc, parce qu'elle n'avait pas d'ambition carriériste, elle est restée des mois à observer les chimpanzés. C'est la première fois qu'on observait des chimpanzés sur une longue durée. Et d'ailleurs, même à ce jour... Dans le milieu naturel. En milieu naturel, non pas en cage. Et en restant, elle se postait dans un buisson, puis elle les observait, elle vivait avec eux, se rapprochait. Ça n'avait jamais été fait. Donc c'était vraiment une révolution pour l'étude du comportement animal. Et c'est aussi justement parce qu'elle était une femme qu'elle a pu... pour des raisons sociales que je viens d'expliquer, qu'elle a pu révolutionner la primatologie. Et évidemment l'icône, Marie Curie. Ah ben Marie Curie. Alors qu'est-ce que vous retenez de Marie Curie en une page? En une page, Marie Curie, il y a tellement de choses qui ont été dites. Moi, c'est comme ça, ce que je retiens, je sais pas, il y a tellement de choses sur elle. Ben, c'est sa fin. Elle est morte parce qu'elle a été irradiée par son objet d'étude. Donc, elle a été tuée par ce qu'elle a elle-même découvert. Son cercueil au Panthéon est recouvert d'une couche de plomb puisque donc pour éviter que les visiteurs soient irradiés. Donc vous dites même morte, Marie Curie rayonne encore. Voilà, elle rayonne encore, même morte, au sens propre comme au sens figuré. Et la troisième, la dernière. La dernière, Emmanuel Charpentier, qui est donc là, c'est tout récent. Une jeune femme. C'est tout récent. Elle est déjà dans votre histoire des sciences. Oui, puisqu'elle annonce les prochaines révolutions. 1968. Voilà. Bon, alors elle, son parcours est tout à fait classique. Hein. Petite déjà, elle rêvait de travailler à l'Institut Pasteur. Devenue adulte, elle y travaillera, elle y préparera son doctorat de biologie. Et puis, un jour, elle découvre avec une autre scientifique une façon de découper, l'ADN, une technique qu'on appellera le CRISPR-Cas9, une sorte de couteau suisse génétique. Et grâce à cette technique, qui est maintenant utilisée dans beaucoup de laboratoires du monde entier, on peut facilement, beaucoup plus facilement qu'avant, faire des modifications génétiques pour le meilleur comme pour le pire. Et elle figure en dernière page, parce qu'elle est la plus jeune, mais aussi c'est symbolique, puisque c'est quelque chose qui risque vraisemblablement, dans les années qui viennent, de modifier totalement la face du monde, pour le meilleur. Et justement, vous disiez tout à l'heure, de Fisketty et à Charlie Hebdo, on défend une sorte de philosophie des Lumières. Est-ce que la science, par ses découvertes, n'induit pas des questions dont les réponses ambigu pourrait nous inquiéter. Bien sûr. Alors déjà, pour ce qui est du CRISPR-Cas9 des ménages charpentiers, c'est effectivement... Ça pose des tas de questions difficiles à trancher. Parce qu'on a le meilleur comme le pire possible. Le meilleur, c'est soigner des maladies pour l'instant incurables. Et puis le pire, c'est toutes les modifications génétiques qu'on peut créer, les chimères. Et pour l'instant, moi, ce que je dis aussi comme conclusion de ce portrait, c'est que les découvertes scientifiques vont parfois beaucoup plus vite que la réflexion sociale. C'était déjà... utilisé, c'est déjà appliqué et il n'y a pas suffisamment de débats éthiques. Il y a même des pays où il n'y en a pas. La Chine, par exemple, fait des choses qui sont interdites en Europe, par exemple, ou ailleurs. Tout à fait. Donc la science va peut-être trop vite et des fois, il faudrait sans doute aller moins vite, finalement. Et Charlie Hebdo, c'est aussi quelque chose qui, disons, une réflexion qui nous préoccupe régulièrement, puisque parmi les lecteurs, il y a aussi, bon, ben, voilà, même au sein de la rédaction, on a des débats. Il y a un sentiment anti-science, quand même, que moi, je sens assez régulièrement, hein, puisque la science a souvent mauvaise réputation, la science est perçue comme un facteur négatif par beaucoup de gens, alors que, moi, ce que je défends, c'est l'esprit des Lumières, c'est-à-dire la science est un facteur de progrès à condition de bien savoir l'utiliser et l'appliquer de façon pertinente et intelligente pour le bien social, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, mais d'ailleurs, justement, je voulais préciser une chose sur l'actualité de ces portraits, c'est que ça n'est pas que de l'histoire du passé. Il y a des polémiques, des thématiques encore vivaces aujourd'hui, par exemple... Si on parle de Darwin, le darwinisme est remis en question dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays islamiques. Donc, Pasteur aussi, la vaccination est remise en question. Donc, ces découvertes sont admises par la communauté scientifique, mais socialement, ça n'est pas forcément encore ancré. Mais c'est pour ça que votre livre, à mon avis, est précieux. C'est que, outre le fait qu'il combine la vie et l'œuvre de ses savants, c'est important de montrer comment les connaissances sont devenues les connaissances dans l'histoire des idées, comment et qu'elles se distinguent des croyances. C'est-à-dire qu'elles ont des arguments à faire valoir qui sont pas simplement le ressenti ou le fait qu'on a l'impression que ça doit être vrai. Exactement. Et c'est pour ça que c'est aussi quelque chose de très politique. C'est pas simplement... Alors déjà, c'est de la culture générale, dans le sens où pour comprendre le monde dans lequel on vit, il faut comprendre les grandes idées scientifiques, à mon avis. Sinon, on est complètement dépassé. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les théories du complot se diffusent abondamment, comme on sait, où des remises en question... avec des a priori soit obscurantistes, soit religieux, soit mystiques, etc., nivellent tout sur le même niveau, c'est-à-dire pour beaucoup de gens, les connaissances scientifiques ne valent pas plus que les croyances religieuses, etc., etc. On peut multiplier les exemples. Et donc connaître l'histoire des sciences, savoir d'où viennent ces idées, pourquoi elles ont été développées, comment elles ont été amenées et comment elles résonnent encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Antonio Fischetti, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu nous parler de votre ouvrage La planète des sciences. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique ingénieur du son et ancien élève de vous-même, Antonio Fischetti, Valérie Lavalard, et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour Le Temps des écrivains.